J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. pas, désolé, Pipax. Tu dois t'en aller. On a perdu la guitare rythmique. On a perdu la guitare rythmique. On a perdu la guitare rythmique. On a perdu la guitare rythmique. Tibet,